je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ludologie. Ludologie, le podcast qui parle du jeu sous toutes ses formes. Je suis ici donc, Célène, avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Je suis ici avec une nouvelle invitée. Cette invitée, c'est Éline. Éline est prof de sciences de la vie et de la terre. Bonjour Éline. Bonjour. Si tu devais te présenter en quelques mots, là, comme ça... Pour nos éditeurs et auditrices, on t'écoute. Eh bien, comme tu l'as dit, je suis prof en sciences de la vie et de la terre au lycée. Et moi, j'ai toujours aimé jouer. Je fais du jeu de rôle, du jeu de plateau, du GN, enfin, pas mal de choses sous toutes ces formes. Voilà, je ne sais pas trop... Et donc aujourd'hui, si on invite une prof de SVT, c'est parce que, c'est pas le tout de réfléchir comme ça, un peu sous forme de sciences humaines. À un moment, il faut rentrer dans les sciences dures, les vraies sciences. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est bien connu. Les autres, c'est faux. Ça n'existe pas. Et donc voilà, donc on voulait amener une scientifique pour avoir la vérité vraie. Et surtout aussi, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. On a vu ce qui se passait dans la tête des humains. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête des animaux ? Est-ce que ça joue un chaton, par exemple ? Alors, pour répondre de façon large déjà à la question si les animaux jouent ou pas, il y a déjà une chose très simple qu'on peut dire en amenant un petit peu de biologie, de classification derrière tout ça, c'est que les humains, c'est des animaux, et du coup, par conséquent, oui, les animaux, ça joue. Voilà. Et pour revenir juste sur ce que tu disais sur la science et la vérité, etc., je suis pas du tout d'accord avec ça. Pardon. Là, c'est bon, on m'entend bien ? Ok. Je suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, la science va plutôt être une recherche de faits, d'accord ? On compile des données et puis on essaye de trouver un modèle qui correspond un peu à tout ça pour expliquer un peu le monde qui nous entoure. Donc, en fait, c'est exactement la même démarche qu'en sciences humaines. Il n'y a pas de sciences dures et de sciences molles, qu'on soit d'accord avec ça, qu'on rassure les auditeurs. Voilà. Oui, par rapport à ça, c'était une petite provocation gratuite d'Adrien. On vous invite à regarder le podcast de Ludologie, Qui sont les joueurs qui parlaient, où on avait justement invité un sociologue et sans du tout mépriser sa profession. J'espère bien, oui, parce que ce serait dommage de commencer comme ça. Et du coup, tu m'as demandé aussi si les chatons jouaient. Et donc, déjà, ce que je peux vous demander, c'est quoi, vous, votre définition du jeu ? Parce que voilà, c'est la première chose qu'on fait généralement en science, c'est qu'on essaye de tous parler la même langue et d'avoir une définition qui soit claire et efficace pour qu'on parle de la même chose. Eh ben, on a fait un podcast là-dessus. C'était le premier. Il faut nous écouter. Hein. On a fait un podcast là-dessus. Donc on définit généralement le jeu comme une activité... Je vais donner la définition la plus tolérante. On considère souvent le jeu, l'acte de jouer, comme une activité absolument non productive, qui est juste pour une recherche de plaisir. Là, je prends très large. Après, souvent, on remarque que dans les jeux, il y a des règles. Ça dépend. Que c'est limité dans le temps et dans l'espace. Par exemple, si je joue à la roulette russe, vu que je risque de mourir, c'est plus vraiment un jeu. Si je suis aussi, il y a une autre condition du jeu, c'est si à la fin du jeu, il n'y a pas vraiment de perdant ou de gagnant. Si je suis payé pour jouer, ce n'est plus vraiment un jeu, c'est un métier. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et est-ce que ça t'aide dans ta définition du jeu ? C'est intéressant parce que déjà, s'il y a une recherche juste de plaisir, en fait, et que c'est une activité complètement non productive... Ça devient difficile de faire ça sur les animaux non humains, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple du chaton qui joue, On pourrait essayer de voir si ça lui donne du plaisir. Je pense que oui. Hein. Après, on peut disséquer des chatons euthanasiés pour l'idée. Mais bon, moi, ce n'est pas une expérience qui me parle beaucoup. Donc, on va essayer de... Donc, je pense que oui. Hein. Peut-être que vous pourrez un jour inviter un grand scientifique spécialiste vraiment des animaux qui vous dira si c'est vrai ou pas. Après, par contre, c'est dans un but, finalement, de s'entraîner à la chasse, c'est dans un but de s'entraîner à pas mal de choses. Et finalement, ça reprend un petit peu les thématiques des jeux qu'on a pour nos enfants, les jeux éducatifs, hein, où il faut mettre le petit cube dans le trou carré et ce genre de choses-là, qu'ont finalement tout un but d'apprentissage, que ce soit de choses motrices ou de choses intellectuelles derrière. Donc, dans ce cas, est-ce que les jeux pour enfants, c'est pas des jeux parce qu'on apprend des choses avec ? Et c'est vrai qu'il y a toute une thématique développée, qu'on avait d'ailleurs développée dans un podcast précédent, sur, notamment sur le fait de communiquer grâce aux jeux, mais d'autres aussi, sur l'apprentissage, même pour les humains adultes, hein, l'apprentissage autour du jeu. Est-ce qu'on considère que c'est pas productif parce que le seul produit... C'est de l'apprentissage, ça c'est une vraie question. La question aussi, c'est là on a parlé des chatons. Alors les chatons, on voit bien, c'est un animal... Alors je ne sais pas s'il est vraiment domestique, le chat, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est un animal en tout cas qu'on connaît bien et qu'il y a dans beaucoup de foyers. Et je pense qu'on arrive, pas trop mal à lui prêter des intentions, même s'il ne les a pas. Enfin, c'est les animaux qu'on a l'habitude de voir, on a l'habitude de partir du principe qu'ils sont tristes ou joyeux ou quoi. Alors, tu pourras nous dire d'ailleurs si peut-être qu'on se trompe totalement sur le sujet et qu'on leur prête des intentions qu'ils n'ont pas. Mais pour des animaux qui sont plus éloignés, enfin, le règne animal, il est quand même beaucoup plus large que ça. On peut se demander si des oiseaux, des dinosaures au sens large, jouent. Chez les poissons, comment ça se passe? Chez les mammifères marins, enfin, j'élargis la question. Alors, déjà, pour tout ce qui est des mammifères, c'est vrai que c'est assez facile de les anthropomorphiser. C'est le petit mot scientifique qu'on va mettre derrière le fait de leur prêter des intentions humaines, etc. Parce qu'ils nous ressemblent, ils ont souvent des comportements qui sont assez similaires aux nôtres. Et puis même chez des rats et des souris, finalement, on peut voir des choses qui ressemblent à l'homme. C'est d'ailleurs un des modèles d'études qu'on a le plus souvent, en fait, pour étudier des choses qui vont se passer dans le cerveau. Et puis bon, après, on essaye de transposer ou pas, avec toujours des grosses pincettes vers les humains. Donc je pense que c'est pour ça que c'est facile, hein, même chez les chevaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des chevaux avec un ballon, c'est génial, quoi. Ils poussent le ballon et tout, ils ont l'air super heureux. Après, donc, pour des animaux un petit peu plus éloignés, effectivement, donc chez les oiseaux, on a des comportements d'apprentissage aussi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de caractériser ça comme un jeu ou pas, parce qu'on va avoir du mal à avoir une expression un petit peu dans la tête des oiseaux. Donc alors après, savoir s'ils prennent du plaisir à ces activités ou pas, c'est encore une chose un peu délicate. En fait, la question du plaisir dans le règne animal, elle est surtout traitée à travers le prisme sexuel, en fait, savoir si lors d'une activité sexuelle, les animaux prennent du plaisir ou pas. Et à ce que je sache, ça a que récemment été mis en évidence chez notamment la souris et le chat, qui prenaient du plaisir lors d'un acte sexuel. Alors lors d'un jeu, on n'est encore pas du tout là-dedans. Donc chez les oiseaux, déjà. Chez tout ce qui va être poisson, donc ça va aussi, on va avoir aussi certains comportements des fois d'apprentissage. Donc parce que tous les poissons n'ont pas forcément des on balance des œufs dans la mer et puis on s'en va, quoi. On a certains poissons qui vont avoir une espèce d'élevage des bébés poissons. Alors, je n'ai plus les noms en tête, je suis désolée, mais voilà. Et donc ça, effectivement, on peut retrouver des choses qui pourraient ressembler à des espèces de jeux, des jeux d'imitation, en fait, où les jeunes vont essayer de faire comme les parents. Donc, on retrouve aussi chez les oiseaux, chez différents reptiles. Puis après, si on va encore plus loin dans les animaux, on peut se demander si les méduses, les coraux jouent. Là, par contre, je dois avouer que je sèche un peu. Dès qu'on passe chez des animaux déjà qui n'ont pas de cerveau, on commence à arriver dans des choses qui sont hyper compliquées pour caractériser le plaisir. Parce que bon, quelque part, prenez même des animaux qui ont plusieurs cerveaux. Hein, vous prenez une étoile de mer qui a finalement des ganglions cérébraux dans chacun de ses bras. Est-ce qu'elle est heureuse ou pas, l'étoile de mer C'est une question qu'on peut se poser et je ne saurais pas comment trouver la réponse à ça. Alors, je vais revenir sur la notion de plaisir parce que c'est vrai que c'est souvent on dit que si on joue à un jeu, c'est pour s'amuser. Et ben en fait, c'est une des limites de la définition qu'on a essayé de tester là en quelques minutes. Parce que des fois, les jeux nous rendent tristes. Les jeux nous interrogent, nous posent des questions philosophiques. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là pour les animaux, mais en tout cas, on peut imaginer quand on voit des chatons se bagarrer. Oui, j'aime beaucoup les chatons. Mais quand on voit des chatons se bagarrer, on voit que parfois, ils se griffent vraiment. Et il y a quelque chose de c'est plus un jeu. Enfin, ou alors c'est un jeu mais il fait mal. Justement, qu'est-ce qui se produit dans leur tête quand ça se passe comme ça? Qu'est-ce qu'ils font en fait? Est-ce qu'ils jouent? Est-ce qu'ils se battent? Alors, ce qui se produit dans leur tête exactement, je n'ai pas en détail la réponse. Alors après, ils s'entraînent en fait à avoir des comportements qui vont les aider plus tard à attraper leur proie s'ils vivaient encore tout seuls dans la nature, à devoir chasser pour survivre. Après, c'est sûr que le chaton qui se fait un petit peu dominer par les autres, lui, il va avoir plutôt un comportement d'évitement et de fuite parce que finalement, on n'aime pas souffrir et ça marche comme nous. C'est-à-dire que quand on a mal quelque part, ça va activer certaines voies dans notre cerveau qui nous disent « aïe, aïe, aïe, ça, il faut éviter ». Ce qui peut être bien chez ce chaton-là, par exemple, s'il est plus faible que les autres, ça va peut-être lui permettre d'éviter un peu ça, le temps de grossir un peu, de prendre du poids et de ne pas se faire bouffer par ses camarades. Donc on a là encore un truc qui peut être bien. Et puis je pense que le chaton qui gagne, lui, il est très content. Et... Enfin voilà, après, je ne sais pas si tu veux que je développe un petit peu. Ou... Je voulais savoir en fait... Parce que là, on distingue une forme de jeu assez claire qui tourne autour de quelque part de la prétention de faire comme les grands. Et du coup, ça, c'est une forme de jeu qu'on retrouve aussi chez les enfants humains et qu'on a tendance parfois à relier à la pratique du jeu de rôle. Donc ça, tu penses que en fait, quelque part, la forme de jeu de rôle qu'on hérite du fait que nous sommes des animaux, quelque part, c'est le jeu de rôle? Finalement, oui, parce que le jeu de rôle, c'est essayer d'imaginer quelque chose qu'on n'est pas. Enfin, foncièrement, moi, j'ai pas envie de jouer ma vie si je fais du jeu de rôle, quoi. Et l'idée, c'est justement de s'imaginer dans des situations nouvelles pour voir comment on réagirait, etc. Et ça, finalement, c'est ce que font les animaux quand ils se retrouvent dans des situations comme ça où ils testent des choses. C'est intéressant, oui, mais c'est ça. Je reprends le jeu de rôle parce que c'est assez intéressant comme truc. C'est très codifié, hein, le jeu de rôle, en tout cas le jeu de rôle papier, autour d'une table, il y a un ou une MJ, etc. Est-ce qu'on retrouve des stratégies de mise en place est-ce qu'on retrouve comme ça des mises en scène du jeu dans le monde animal, hein? Tu as l'air dans l'expectative. En même temps, c'est dur comme question. Hein, Alors, sur le jeu, vraiment à proprement parler, je ne sais pas. C'est-à-dire avec des règles, des choses très codifiées, etc. On va plus retrouver ça, encore une fois, sur tout ce qui est accouplement, parade sexuelle, rite autour du sexe en général, qui est une activité qui procure du plaisir, qu'on pourrait peut-être qualifier comme un jeu, même si à but procréatif, finalement, pourquoi pas. Et là, on va avoir vraiment des codes, notamment chez les oiseaux, qui sont les rois des danses nuptiales où les deux partenaires vont vraiment avoir une façon de se déplacer, etc. Ce qui permet aux deux de juger si l'autre est un bon partenaire et quelqu'un d'intéressant. Et finalement, on va retrouver ces choses très codifiées, ces mises en scène. Il y a des oiseaux qui font des constructions, des petites arches qui jouent sur la perspective pour se faire rendre plus grand, etc. Mais bon, on sort un petit peu du sujet. Après, chez d'autres animaux, est-ce qu'il y a des codes pour le jeu? Je pense que chez pas mal de petits mammifères, en fait, c'est aussi une façon d'apprendre leur place sociale dans un groupe, notamment chez les mammifères sociaux, par exemple chez les hyènes ou les femelles dans les groupes ont donc une hiérarchie très stricte et où du coup, très rapidement, la petite hyène de la matriarche du groupe, entre guillemets, va très vite savoir qu'elle est en position dominante parce qu'elle aura le droit d'attaquer même les autres hyènes adultes et de jouer avec elle, et les autres n'auront pas le droit, enfin seront obligés de la laisser gagner finalement si elles veulent que tout se passe bien, quoi. Donc on a ici aussi des codes en fait qui sont, enfin où le jeu là, le jeu de rôle encore une fois, va amener finalement à l'établissement d'une hiérarchie sociale, de codes en fait hyper hyper stricts, quoi. À l'opposé, le petit mâle qui est le petit de la hyène qui est la plus bas dans la hiérarchie, lui, il aura le droit d'attaquer aucune autre, sinon il se fait virer et puis voilà quoi. Du coup, on a parlé un petit peu de l'accouplement chez les animaux, donc qui serait une forme. Non, mais moi je trouve ça intéressant parce que chez l'humain, on parle de jeu sexuel et quelque part. Il devient de plus en plus admis dans notre société, quoi que, bon, voilà, mais c'est de plus en plus admis que le sexe ne doit pas forcément mener qu'à la procréation et que ce n'est pas forcément tabou, etc. Du coup, on pourrait peut-être l'admettre aussi chez les animaux. Est-ce que chez certaines espèces animales, l'accouplement ne peut pas être une forme de jeu sans but de procréation ? Alors, je serais peut-être plus réservée là-dessus parce que nous, les humaines, on a une particularité assez intéressante par rapport à nos autres femelles mammifères, je ne connais pas d'exception à cette règle, qui est qu'on est, on n'a pas de période de chaleur. On est en gros motivé tout le temps, alors que, par exemple, on prend une rate, elle va avoir une période assez courte pendant laquelle elle va être intéressée, et sinon, là, elle va émettre des signaux qui vont faire en sorte que les mâles, du coup, vont être aussi intéressés, et voilà. Sinon, si la femelle elle n'émet pas ces signaux-là, les mâles ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. En général, ça passe pas. Donc après, voilà, pour parler de jeu, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que finalement, c'est complètement induit par des mécanismes hormonaux qui font qu'ils se retrouvent dans des périodes où ça indique à leur cerveau que c'est le moment de faire ça et où du coup, ils ont envie de s'accoupler, de se reproduire. Voilà, du coup, je pense pas qu'il y ait. Après, on trouve des comportements sexuels chez certaines espèces, par exemple les dauphins qui sont. Enfin, les mâles dauphins qui peuvent facilement être frustrés sexuellement et qui, du coup, vont s'accoupler avec tout ce qui passe, que ce soit les autres mâles, les bébés phoques, des choses mortes d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment immonde les dauphins, je sais pas pourquoi les gens aiment ça, les hyènes, c'est beaucoup plus mignon. Voilà, donc c'est pas terrible, terrible. Après, ouais, il y a plus des stratégies en fait pour essayer de se reproduire de la part des mâles qui peuvent être hyper rigolotes, etc. Et les femelles vont toujours être un peu le contrôle de ça en disant bon, non là c'est pas le moment, non pas toi, lui il est vachement plus mignon, etc. Quoi. Enfin dans les espèces où il y a vraiment un mâle et une femelle définie comme ça. Alors, tu m'apprends, ou alors peut-être que j'extrapole, ou alors tu m'apprends quelque chose. Mais j'avais demandé un des trucs aussi qui caractérise le jeu, c'est le désintéressement, il y a le fait que tu ne gagnes rien. Et du coup, j'étais en train de me dire bon, ok, les dauphins violent des trucs morts, très bien, tout va bien. Mais du coup, c'est pas intéressé. Du coup, ils se masturbent. Enfin, c'est qu'est-ce que c'est ? Et d'ailleurs, est-ce que ça existe la masturbation chez les animaux ? C'est-à-dire le fait de se procurer un certain plaisir sexuel sans absolument a priori aucun but procréatif. Alors c'est sans but procréatif, mais il faut savoir que on se reproduit pas pour se reproduire quand on est un animal. On se reproduit parce que c'est cool, parce que ça, quand on le fait, ça active une zone de notre cerveau qui nous dit hey, c'est cool. C'est la même, c'est ce qu'on appelle le circuit de récompense, et c'est la même chez nous, et c'est la même qui, quand on mange du sucre ou des choses très grasses, nous dit hey, c'est vachement bien ça. Continue de faire des réserves. Et voilà, bon c'est pas très cool. donc c'est désintéressés dans le sens où ils ne sont pas conscients, je pense. Enfin, ils ne sont pas en train de se dire « il faut que je maximise ma descendance, que je transmène mon patrimoine génétique, etc. » Ils sont vraiment dans une recherche de plaisir, en fait. Ce n'est pas un comportement réfléchi dans le sens où, qu'on pourrait avoir, nous, en se disant « mon Dieu, je n'ai pas d'enfant, qui va s'occuper de moi quand je serai vieux ?» Enfin, ou alors les animaux ont des compétences psychologique beaucoup plus avancée que ce que je sais, mais voilà. A priori, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on envoie une balle à un chien et qu'il va la rechercher ? Il joue pas ? Bah si, complètement. Il est dans un rôle où il a envie de te faire plaisir. Et du coup, ça lui fait plaisir de te faire plaisir parce que tu vas être contente. Et c'est exactement comme moi, je te vois sourire, ça me fait plaisir, donc je suis contente et on est tous contents et c'est sympa, quoi. Et en plus, le chien, il aime bien courir quand on le motive. Et du coup, je pense que ouais, c'est complètement un jeu, là. Parce que c'est dans une recherche de plaisir pour toi et pour lui aussi. C'est-à-dire que je pense que si un chien, il t'aime pas, il te connaît pas, et il est pas très intéressé par le fait de te faire plaisir, à moins qu'il ait vraiment envie de se défouler, tu lui lances une balle, il va te regarder. Moi, ça m'est arrivé avec la chienne d'une copine qui me connaissait pas. J'étais très frustrée, j'avais très envie qu'elle joue avec le bâton. Et elle me regardait genre, mais non. mais du coup, on sort complètement du jeu de rôle, là. Alors là, effectivement, on est plus dans un jeu où on va, je pense, essayer de faire plaisir, d'être sympa. Est-ce que c'est un jeu pour le chien? Je sais pas. Est-ce que finalement, lui, il est pas juste en train d'essayer de se dire, tiens, si je suis sympa avec elle, c'est bien parce que c'est quand même elle qui s'occupe de moi, on est bien, etc. Donc là-dessus, il serait possible qu'on anthropomorphise justement, qu'on prête un comportement de jeu là où en fait on est la seule personne qui s'amuse, le chat il en a rien. Oui, c'est possible. Hein. Après, je sais pas. Je sais qu'il y a des psychologues pour chiens qui existent. Alors si vous pouvez en trouver un, peut-être qu'il pourra vous répondre beaucoup mieux que moi là-dessus. Voilà. C'est pareil quand on joue avec un chat finalement, qu'on s'amuse et tout, nous on trouve ça très rigolo de le faire tourner en bourrique, etc. Lui finalement, est-ce qu'il est pas juste en train d'essayer d'affiner ses talents de chasseur, etc. On est beaucoup plus critique vis-à-vis du fait que les chats peuvent jouer parce qu'on les voit moins sourire. Enfin, c'est vrai que les chiens, ils ont cette expression là qui nous regarde avec des grands yeux et une espèce de sourire, et du coup on se dit, ah, il est super content, c'est génial. Alors que le chat qui reste plus stone, voilà. Moi, j'ai un super jeu avec mes poissons. Hein, je balade mon doigt et puis ils le suivent. Alors moi, ça me fait beaucoup rigoler. Est-ce qu'eux, ils s'amusent en faisant ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne pense pas. Je pense qu'ils essayent d'attraper de la bouffe. Hein, mais... Donc voilà. Alors, hors micro, je parlais d'un gars qui... je crois qu'il est... anthropologue, c'est ça, c'est un anthropologue qui disait que bon, après tout, on peut penser que les animaux jouent parce que les physiciens se basent sur la matière noire. 50% de l'univers est composé de matière noire, une matière dont on ne connaît absolument rien, et pourtant on vous dit qu'elle est là, c'est sûr, et du coup on peut faire toutes les théories du monde. Et bon, si les physiciens font ça, on peut penser que des animaux jouent. Et il prenait le cas d'un homard ou d'une écrevisse qui pousse un caillou. Ok, super, pousse un caillou. Mais du coup, il se demande peut-être que cette écrevisse ou ce homard joue, en fait, parce que ça n'a absolument aucun intérêt de pousser un caillou. Et est-ce que c'est possible? Après, c'est vrai que... Alors, deux choses. Je vais d'abord commencer par l'écrevisse. On peut observer, je ne sais pas si vous avez déjà vu un animal qui s'ennuie. Donc, au zoo, généralement, ils vont dormir, hein, parce que quand on s'ennuie, la chose qui fait passer le temps, c'est de dormir. Et après, c'est vrai qu'on va avoir des comportements un peu je m'ennuie, je pousse le verre et puis je vois ce qui se passe. Et donc, pourquoi pas chez une écrevisse qui a rien de spécial à faire, qui a le ventre bien plein, qui n'est pas en train de chercher à manger, qui n'a pas de partenaire sexuel disponible dans la zone. Bon. J'avoue, je ne sais pas du tout là te répondre sur cette écrevisse. Est-ce que les écrevisses jouent? Est-ce que les araignées jouent? Est-ce que... Après tout, c'est vrai que les araignées parfois font de très belles toiles, font des trucs très complexes. Tu te dis, bon, c'est peut-être pas dans une volonté artistique, mais de jeu, parce que c'est rigolo de tisser des toiles ou je sais pas. Alors, les toiles des araignées, il faut savoir qu'elles ne sont pas faites pour être jolies, elles sont faites pour être hyper résistantes et résistantes à des impacts quand même d'insectes beaucoup plus gros que la toile, enfin, pas plus gros que la toile en diamètre, bien sûr, hein, mais plus volumineux, quoi, quelque part, qui vont arriver très vite dedans. Et le but, c'est que ça résiste pour les attraper. Et en fait, c'est une structure qui est hyper résistante. D'ailleurs, on ne sait pas faire des toiles d'araignées plus résistantes que les toiles d'araignées des araignées. Donc Je pense que c'est plus finalement là un processus de sélection qui a sélectionné les araignées qui arrivaient à faire des toiles qui suivaient ce motif-là, qui était le motif le plus solide qu'elles pouvaient faire, puisque bah, sinon les autres elles mangeaient moins parce que leurs toiles se cassaient plus et du coup elles se reproduisaient moins et du coup elles avaient moins de descendantes et donc elles étaient moins compétitives par rapport à celles qui faisaient des toiles plus solides, quoi. Après. On dit souvent en biologie que rien n'a de sens en biologie, si ce n'est à la lumière de l'évolution. Donc en fait, on peut se demander si le jeu, finalement, qu'on observe hein, chez les mammifères, enfin, si on élargit la définition, hein, qu'on considère que les petits, ils ont vraiment ces jeux, que les jeux sexuels, ça a aussi un intérêt dans le sens de chercher un nouveau partenaire. On peut se dire, en quoi, en fait, est-ce que ces comportements, ils sont intéressants d'un point de vue évolutif, quoi, pour les espèces. Bon, tiens, je vais vous laisser... Est-ce que ça veut dire que le jeu chez l'être humain a un intérêt évolutif ? Bah pourquoi pas, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je pense que l'être humain est un animal très social et que le jeu peut servir à définir une composante sociale et à enrichir justement le tissu d'une personne humaine. Mais j'en viens du coup à une autre question, c'est la question de l'art. Parce qu'on a déjà parlé du fait... Dans d'autres podcasts de ludologie, du fait que le jeu pouvait être un art. Du coup, j'ai entendu dire que... Alors, information très scientifique, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire que... Voilà. J'ai entendu dire que certains animaux, certaines espèces animales pouvaient avoir une culture. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont capables de développer des arts et peut-être des jeux par l'intermédiaire de ces arts ? Alors, pour ce qui est de la culture, moi aussi, j'avais entendu dire, alors encore une fois, là, on est dans la super science hyper sourcée, mais c'était des choses sur les colonies de corbeaux, en fait, qui ont a priori des langages assez, assez spécifiques par colonie et qui peuvent s'apprendre des mots, etc. Donc, qui ont une espèce de culture, du coup, de langage, qui connaissent leur environnement, etc. Enfin, corbeaux, corneilles, corvidés en général, qui sont hyper, hyper à la pointe de la... construction sociale et langagière chez les oiseaux, c'est hyper intelligent, ça reconnaît son reflet, enfin voilà, c'est super oiseaux. Et du coup, attends, j'ai oublié la question, du coup... Ah, l'art chez les animaux, est-ce que l'art ça existe, sachant qu'on peut définir des espèces de cultures ? Encore une fois, pour moi, donc là on arrive sur presque de la philosophie, hein, c'est quoi l'art, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intéressé, que ce soit sur un but lucratif ou sur un but... c'est juste une façon de s'exprimer, d'exprimer quelque chose. Alors, est-ce que les oiseaux cherchent à avoir une forme d'art quand ils chantent ? Est-ce qu'ils cherchent juste à s'exprimer ou est-ce qu'ils essayent de communiquer quelque chose ? Je ne sais pas. Pareil, ceux qui font, je vous en parlais tout à l'heure, hein, les oiseaux jardiniers qui font des petites arches. Et puis, c'est très joli, en fait, ils font une espèce de... Enfin, c'est ce qui se rapproche le plus d'un art animal pour moi. C'est absolument magnifique. Vous regarderez sur Internet. Ils vont chercher des cailloux de certaines formes, de certaines couleurs. Donc, c'est super avec la pollution parce que du coup, ils ont accès à des capsules, des bouchons, de couleurs en plastique. C'est génial. Du coup, ils ont des bleus, des rouges, des oranges qu'ils n'avaient pas avant. Et donc, en fait, ils vont organiser tout ça de façon à créer une espèce d'illusion d'optique qui mène à la petite arche au bout, où ils vont mettre les choses les plus petites vers l'arche et les plus grosses l'extérieur, quoi. Et donc, il y a vraiment un pattern de couleurs hein, où ils essayent de faire quelque chose qui est joli, finalement, puisque les scientifiques, ils sont amusés, ils sont un petit peu trolls sur les bords à enlever, à déplacer des choses. Et puis, les oiseaux, voyant ça, remettent patiemment au bon endroit. Mais bon, tout ça, ça a un but, hein, c'est que c'est les mâles qui font ça, de ces oiseaux jardiniers. Le mâle va se mettre dans l'arche et attend qu'une femelle passe. Et en fait, chez la plupart des oiseaux, c'est bien d'être grand. Hein, les femelles, elles aiment bien les plus grands, hein, c'est, ils sont plus forts, ils sont plus costauds, c'est bien. D'ailleurs, les mâles préfèrent aussi les femelles un petit peu grandes et costauds, c'est toujours plus sympa. Et donc, quand la femelle arrive et voit l'oiseau dans son arche, ça fait une espèce d'illusion d'optique qui rend l'oiseau plus grand. Et du coup, elle se dit « Waouh, ce mâle est super intéressant !» avant de se rendre compte que finalement, bon, c'est un peu un avorton, mais bon, elle est là, tant qu'à faire, allons-y. Et du coup, voilà. Et c'est absolument magnifique. Après, est-ce que c'est voilà, c'est un art parce qu'il y a un but reproductif. Mais bon, finalement, est-ce que nous, quand on fait de l'art, il n'y a pas aussi un but social derrière, un but de reconnaissance, un but de plaisir parce que les autres vont nous dire « Waouh, c'est super ce que tu fais je sais, je... Voilà, encore une fois, là, on est dans des questions un peu ouvertes. Non, mais du coup, ma question, je vais reprendre l'exemple hein, à l'instant. C'est, du coup, mais ils ont... Quel goût ils ont ? Qu'est-ce qu'ils aiment comme couleur, ces oiseaux ? Est-ce qu'ils ont des préférences ? Parce qu'il y en a qui aiment bien le jeu de rôle, il y en a qui aiment bien, je sais pas, les jeux d'adresse, par exemple. On pourrait imaginer, tout à l'heure, on a parlé du bâton et du chien. Finalement, c'est un peu un jeu d'adresse, comme quand on joue au bilboquet, par exemple. Du coup, qu'est-ce qu'ils aiment bien, les oiseaux ? Comme jeu, tu veux dire ? Du coup, comme couleur, là, pour le coup. Ah, d'accord. Alors là, comme couleur, c'est rigolo, parce que ça dépend de chaque oiseau. Il y en a des très très jolis qui sont juste dans des tons gris, blanc, noir, avec des petits cailloux. D'autres qui vont incorporer du bleu avec juste du blanc. J'en ai vu d'autres où c'est du rouge et du jaune. Et c'est exclusivement du plastique, plus ou moins abîmé, mais bien disposé, etc. On voit bien la couleur vive. Donc, je ne sais pas s'il y a des études qui démontrent que certaines populations ont certains goûts, etc. Parce que la couleur, c'est quelque chose qui est intéressant chez pas mal d'animaux en matière de reproduction. Parce que, alors, il y a deux choses derrière, c'est que soit, si on, par exemple, les oranges, ça se retrouve assez souvent. Et le orange, c'est un pigment qui va être lié à la carotène. Et en général, si vous avez un haut taux de carotène, pas trop, hein, bien sûr, vous êtes en bonne santé. Et du coup, si vous êtes bien orange, vous êtes potentiellement en bonne santé et c'est pas mal. Ça, ça se voit beaucoup chez les guppies. Et chez les diamants mandarins, je ne sais pas si vous voyez, c'est des petits oiseaux qui sautillent partout, etc. Alors, il y a eu des expériences très, très drôles hein, de sélection sexuelle, justement, chez ces animaux-là, où du coup, ils ont mis des fausses plumes oranges sur la tête des oiseaux pour voir si, du coup, ils étaient plus attirants que les autres parce qu'ils étaient un peu plus oranges. Et effectivement, ces mâles-là avaient un succès reproducteur beaucoup plus important que les mâles qui, les pauvres, on leur avait pas mis la petite plume orange sur la tête. Et ce qui est rigolo, c'est que les femelles donc, et les mâles ont appris à leurs petits que c'était beaucoup mieux les mâles avec une petite plume orange sur la tête. Et du coup, ils transmettent ça à leur descendance. Donc il y a des goûts qui se transmettent, qui sont a priori appris. Et donc voilà, on a tendance à préférer finalement, quand on est un oiseau, un mâle qui ressemble un peu à son père. Parce que bon, a priori, on est bien, donc on va essayer d'aller chercher quelque chose qui ressemble. Donc voilà pour les goûts. Après, je ne saurais pas du tout te dire. Je ne sais pas si les oiseaux jardiniers, justement, ils essayent de reproduire quelque chose qui était de la même couleur que leur père faisait ou pas. En tout cas, il y en a forcément qui ont dû innover à des moments puisqu'on a une grande diversité là-dedans. Et voilà. Et à mon sens... Alors après, je ne sais pas s'il y a d'autres formes d'art chez des mammifères, en fait. Parce que chez les oiseaux, c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve assez souvent, même des offrandes, des choses comme ça. Pareil... En art, on a des danses chez les poissons, beaucoup. Les guppies, notamment, qui ont toute une danse très complexe, qui permet aussi de juger la taille de l'autre. Parce que des fois, il y a des poissons qui essayent de tricher en ayant des grandes nageoires très flottantes, là, qui font un peu genre on est grand, alors qu'en fait, bah non. Donc pareil, c'est des histoires de triche et des jeux là-dessus. Et en fait, ces choses-là sont souvent des façons soit de détourner, soit d'essayer de vérifier, finalement, une aptitude sexuelle chez l'autre lors de ses comportements de reproduction. Quoi. Merci beaucoup pour ces exemples parce que c'est fascinant. Enfin, non, moi, je trouve ça fascinant et je me documenterai même plus en détail sur Internet, je pense, après l'émission parce que c'est de constater qu'il y a effectivement une émergence d'une forme alors d'art au sens large, quelque part. Voilà, où on voit que effectivement, selon l'individu, il y a un comportement différent. Enfin, c'est voilà, moi je savais pas. Merci. Je me posais une autre question en fait, en retournant un petit peu le sujet de l'émission, parce que c'est le sujet de l'émission, c'était est-ce que les animaux jouent. Mais on pourrait complètement retourner le sujet en disant est-ce que les humains peuvent jouer des animaux ? Est-ce que les humains peuvent correctement jouer des animaux, correctement imiter, que ce soit en jeu de rôle ou via des jeux vidéo ? Je pense notamment, là j'ai un titre qui me vient en tête, c'est Shelter, qui est un jeu vidéo sur PC, je ne sais pas s'il est sorti sur d'autres plateformes, où on joue une femelle blaireau, qui va du coup chasser, donner à manger à ses petits, etc. Mais je me pose toujours la question des limites de ce genre de simulation, des limites de à quel point, en tant qu'humain, on peut faire semblant d'avoir un comportement animal, sachant que ce comportement animal, on ne peut que le deviner et lui prêter des intentions parfois peut-être trop humaines. Alors, du coup... effectivement, forcément, quand on va incarner un animal, on va tout de suite lui prêter des intentions. Et puis, je pense, en plus, on idéalise certaines choses. Tu ne vas pas jouer à un renard de la même façon que tu vas jouer, je ne sais pas moi, une poule. Alors que, fondamentalement, une poule, ce n'est pas si bête que ça. Ce n'est pas non plus des modèles d'intelligence, surtout les poules domestiques, etc. Mais voilà, et le renard peut être complètement idiot des fois aussi. Et donc on a toutes ces représentations derrière déjà sur la plupart des animaux connus qu'on a. Après, ouais, jouer une femelle blaireau qui nourrit ses petits et tout, c'est très mignon, hein, pourquoi pas. Après, je pense que c'est vite un peu chiant, quoi, parce que bon, moi c'est pas. ça me semble pas ultra passionnant. Mais après, ouais, on pourrait imaginer plein de jeux autour de comportements animaux. Hein. Toi aussi, réussis à danser comme les guppies pour choper la plus grosse femelle, ouais, bon, c'est. Ou le plus gros mâle, voilà. Oui, pourquoi pas. Après, il y a plein de façons de jouer un animal, mais je pense que de toute façon, on ne peut pas être complètement animal, dans le sens où nous, on va forcément intérioriser les choses, réfléchir, définir des stratégies qu'un animal n'aura pas forcément ou pas de la même façon, et on n'est pas. Je ne pense pas qu'on soit capable d'imaginer le comportement finalement exactement qu'aurait un animal dans cette situation. Après, en se documentant, on peut connaître pas mal de choses sur les comportements animaux. Hein. Il y a des éthologues qui ont travaillé toute leur vie avec des chimpanzés, qui arrivent à faire des choses extraordinaires avec eux, à les entraîner, à communiquer avec eux. Enfin, c'est assez génial. Bon, voilà, après... Je ne sais pas trop si faire des jeux effectivement qui imitent juste le comportement d'un animal, c'est... C'est juste une simulation, quoi. C'est plus qu'un jeu, en fait. Vraiment, on va. Après, il y a des très bons jeux de simulation. Moi, j'adore SimCity, mais mais bon, c'est pas tout à fait pareil, quoi. J'ai réfléchi à ça parce qu'on parlait de sexualité, du coup, voilà, le mâle ou la femelle qui danse, etc. Et c'est vrai que dans le jeu, on remarque parfois, selon les typologies de jeu, une certaine sociologie. Des joueurs et des joueuses. Céline, je crois que tu avais co-animé un podcast sur qui sont les joueurs. Je sais plus si c'était. Oui, voilà, c'était donc toi, Emmanuel. Du coup, qui sont les joueurs animaux ? Est-ce que ce sont plutôt des mâles, des femelles, des jeunes, des vieux ? Qui sont-ils, ces animaux qui jouent, en fait ? Bah, je pense que ceux qu'on voit jouer le plus souvent dans la nature, ça va être les jeunes, effectivement, avec tous ces jeux d'imitation. Ou alors des adultes qui s'ennuient fermement comme cette écrevisse et son caillou, à moins qu'elle ait vraiment un but caché derrière, mais voilà, ça m'a marqué, j'irai voir ça. Du coup, voilà, moi je dirais que c'est plutôt les jeunes animaux qui s'entraînent finalement à avoir des comportements similaires à ceux de leurs parents qui vont leur permettre du coup de survivre, d'être à l'aise dans leur environnement et de pas mourir trop vite. Après, il y a quand même beaucoup de jeunes dans l'environnement qui meurent très très rapidement, quoi. Quels autres animaux jouent ? Je pense pas qu'il y ait de diversité mâle-femelle, parce que quand ils sont petits, les deux vont apprendre de toute façon à survivre. Après, dans tous les animaux sociaux, donc enfin qui vivent en bande, donc je sais pas, les lions, les hyènes, les choses comme ça. Là, on va avoir aussi des apprentissages de hiérarchie, donc où ça va être assez différent en fonction des types d'animaux qu'on est. Après, si on élargit chez les oiseaux, je ne sais pas trop s'il y a des disparités quelconques. Après, ça va plutôt être, ouais, de ce que je sais, en tout cas, les adultes en quête d'un partenaire sexuel qui vont avoir ces comportements-là. Et puis, si on va encore plus loin, donc chez les poissons aussi, on peut retrouver ces choses-là. Et puis chez les insectes, les arthropodes, enfin les crustacés et tout ça, alors là, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'une blatte, elle va jouer ? Bon, on se retrouve vraiment dans des situations un petit peu plus délicates. Mais oui, pourquoi pas, hein. Après, c'est vrai que donc déjà, je ne suis pas une grande spécialiste des insectes, je ne suis pas une grande spécialiste des crustacés. Chez les mollusques non plus, hein, je ne sais pas trop si... Parce qu'il y a des mollusques qui sont hyper intelligents. On a par exemple tout ce qui va être pieuvre et calamar qui sont capables de résoudre des problèmes très compliqués, qui sont capables d'apprendre à ouvrir des pots de cornichons en regardant les autres, qui sont capables de s'échapper de labyrinthes, qui ont clairement des capacités intellectuelles vraiment poussées. Est-ce qu'ils jouent ? Je ne sais pas. Et je ne pense pas que ce soit très, très, très étudié, malheureusement, à l'heure actuelle. Moi, je n'ai pas trouvé énormément de choses là-dessus. À la base, c'est vrai que je suis partie un peu sur les pieuvres quand vous m'aviez parlé du sujet, parce que moi, je trouve que c'est absolument fascinant tout ce qu'on découvre sur ces animaux qui sont vraiment assez différents de nous, là, pour le coup, qui n'ont pas de squelette, qui ont même pas un vrai cerveau comme le nôtre. Hein. Par exemple, les pieuvres vont avoir un petit ganglion central et puis des ganglions cérébraux dans chaque bras, en fait, qui vont contrôler les bras de façon plus ou moins indépendante. C'est plus une espèce de communauté, enfin, au sens où on pourrait l'imaginer, quoi, par rapport à nous. Donc, ouais. Et puis, en allant encore plus loin, après, je t'ai dit, les méduses, les coraux, les éponges... Là, clairement, non. Hein, je ne pense pas qu'une éponge joue. Voilà. Si. Okay. Tu l'as perdu. Alors, on a vu différentes typologies de jeux pour la reproduction, pour se bagarrer. Il y avait ces deux-là, en tout cas, qui sont pas mal ressortis. Et je vais prendre un cas que, bon, en tout cas, je ne suis pas fan, mais je ne juge pas ceux qui aiment. C'est le cirque ou la tauromachie. Est-ce que les animaux qui sont là-dedans jouent ? Alors, pour la tauromachie, moi je dirais que non. Hein. Concrètement, on va avoir des comportements de fuite dès qu'on fait mal. Donc là, l'animal, il est plus dans une situation où on va l'exciter jusqu'à ce qu'il soit en situation d'attaque. Donc là, clairement, c'est pas un jeu, quoi. Enfin, si on vous énerve jusqu'à ce que vous voyez rouge et que vous commenciez à frapper tout le monde, bon, si vous trouvez que c'est un jeu, c'est que vous avez peut-être une vie un petit peu compliquée. Donc oui, clairement, la tauromachie, non. Au zoo, en cirque, etc., à partir du moment où on fait des tours avec des animaux, je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont on les éduque. Ça marche pareil avec votre chien, quoi. Si vous entraînez l'animal à faire des choses parce que s'il ne les fait pas, vous allez appliquer un stimuli négatif. Donc vous allez le frapper, vous allez lui crier dessus. Déjà, ça, c'est très négatif pour un animal comme un chien, notamment. Là, on n'est pas vraiment dans du jeu, on est dans un comportement de conditionnement complet où je sais que si je fais pas ça, je vais m'en prendre plein la gueule, donc je fais ça et j'attends que ça se passe, quoi. Par contre, si on est dans une éducation où vraiment on va être plus proche de l'animal et on va essayer de développer quelque chose qui ressemble à une relation d'amitié, quoi, quelque part, où on va avoir des liens où l'animal va faire les choses pour nous faire plaisir, là, on peut dire que c'est plus du jeu, parce que finalement, il retire un plaisir de nous faire plaisir. Et donc, ma foi, pourquoi pas, quoi. Après, je sais pas jusqu'où on peut aller là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a des... avec des perroquets, par exemple, ça marche assez bien, de leur apprendre des tours, et puis ils ont l'air relativement heureux. Bon, après, en général, c'est du renforcement positif. On leur donne un petit truc à manger, ils sont contents, et puis c'est sympa. Mais ouais, là, c'est... Là, pour moi, c'est plus du jeu parce qu'on est dans quelque chose qui est positif, qui va donner du plaisir, même si c'est un plaisir anticipé d'une attente de récompense. Finalement, ouais, je fais ça et c'est cool parce que je sais que je vais avoir un petit bout de saucisse et que mon maître, en plus, sera vachement content. Et il y a une branche du règne animal dont on n'a pas encore parlé et c'est même peut-être surprenant parce que c'est peut-être la branche qu'on attendrait le plus quand on parle d'animaux et quelque part de comportements qui se rapprochent de celui des êtres humains, c'est les grands singes. Et moi, je serais curieuse de savoir, parce que j'ai toujours de façon aussi scientifique, j'ai entendu dire qu'il y avait certains grands individus qui arrivaient même à communiquer avec l'être humain, en langage des signes ou autre. Est-ce qu'on a essayé de leur communiquer du jeu ? Est-ce qu'on a essayé de jouer avec eux ? Que ce soit même peut-être au tic-tac-toe ou autre chose. Enfin, est-ce qu'il y a des pratiques possibles ? Est-ce qu'on peut se réunir entre cousins autour du jeu ? Alors, je vais être très frustrante pour toi, pour toi aussi, parce que je connais très très peu les grands singes, à part les choses que vous connaissez sans doute aussi par le biais de reportages Arte ou de choses comme ça. Donc, je ne saurais pas exactement te dire. Je sais que les singes, on les voit qui utilisent des outils, qui, comme tu l'as dit, apprennent à communiquer avec la langue des signes ou en montrant des mots, pas des mots, mais des images sur des cahiers, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est assez rigolo, l'histoire de la langue des signes. Je sais que quand ils avaient appris à certains singes la langue des signes, après, c'était propagé, ils se l'étaient appris entre eux et puis ils commençaient à communiquer, genre « Hey, donne-moi des bananes ». Donc ça, c'était assez rigolo. Après, je ne sais pas vraiment du tout si on joue avec les grands singes, si on peut leur apprendre des jeux. Parce que bon, même si c'est nos semblables, on va prendre déjà par exemple sur ce qui pourrait être des jeux sexuels. Eux, c'est un peu comme le reste des mammifères dont on a parlé. Ils ont une période où ils sont en chaleur et une période où elles ne le sont pas, en l'occurrence les femelles. Du coup, on a beaucoup moins de choses comme ça. Après, on a aussi des comportements d'avance des mâles, même si les femelles ne sont pas en chaleur, mais qui vont rarement aboutir à quelque chose, sauf si les femelles sont trop saoulées et laissent faire. Mais bon, dans ce cas, c'est plus vraiment du jeu, quoi. Donc voilà. Après, ouais, est-ce qu'on peut jouer au morpion avec des singes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut être évident d'apprendre le concept de j'ai gagné, j'ai perdu sur des choses comme ça. C'est quand même des concepts qui sont délicats, quoi. Est-ce que, moi, j'aime pas perdre. Et c'est vrai que la satisfaction de gagner un jeu aussi débile que le Puissance 4, par exemple, ça me rend très heureuse. Je saurais pas l'expliquer. Et ça me rend très frustrée et pas contente de perdre. Et comment inculquer ça à un singe ? Alors, on peut peut-être essayer de faire du renforcement positif, encore une fois, où quand il gagne, il va avoir un petit bout de pomme et puis du coup, il aura vachement envie de gagner. Et je pense à le motiver à apprendre les règles et à comprendre. Peut-être qu'on peut y arriver à apprendre un chimpanzé à faire du puissance 4. Parce qu'on arrive à leur faire des choses assez géniales. Ils ont une mémoire visuelle qui est hyper rapide. Enfin, peuvent reconnaître des chiffres, etc., beaucoup plus vite que nous. Enfin, c'est assez chouette ce qu'on peut faire avec des chimpanzés. Mais alors, ouais, sur le jeu, je sèche un peu là. Mais c'est intéressant. Non, c'est vrai que sur le chimpanzé, c'est pas évident parce qu'il y a eu tellement de choses de faites aussi. On a évoqué le langage des signes. Je crois que maintenant, on sait que ça peut mentir sciemment pour avoir des bananes ou sur le chose. Et donc, ouais, je pense que la notion de jeu, on l'a dit, est complexe déjà pour l'être humain. Alors pour les animaux, on n'est même pas. Et on arrive gentiment à peu près 45 minutes de podcast. Du coup, on va tranquillement essayer de trouver une conclusion à cet échange. Qui en tout cas, le jeu avec les animaux et le jeu par les animaux, c'est quelque chose de compliqué. Moi, ce que je retiens, c'est d'une part, on l'a dit, la sociologie un peu des animaux qui jouent, plutôt jeunes, plutôt dans un but d'apprentissage, un peu comme l'être humain. Est-ce que l'être humain n'expérimente pas continuellement et n'apprend pas continuellement grâce au jeu ? Et au final, est-ce que l'animal Homo sapiens sapiens, est-ce qu'il joue, a priori ? Ah bah oui, celui-là, je pense que c'est celui qui a défini la notion de jeu. Donc à partir de là, on peut se dire que oui, il joue. c'est pas trop un sophisme, ça va. Donc oui, après, ce qui peut être intéressant, et j'y repensais tout à l'heure, c'est le jeu, ça peut aussi être une résolution de problèmes. Par exemple, résoudre un petit labyrinthe ou résoudre une petite équation. Moi, j'aime bien résoudre des équations. Bon, c'est un jeu comme un autre. Et sur les labyrinthes, c'est assez marrant parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des animaux et qui arrivent très bien à résoudre des labyrinthes. Et c'est des organismes super intéressants qu'on appelle en français les myxomycètes. En anglais, si vous tapez slime sur YouTube, vous allez slime labyrinthe, vous allez trouver des choses super. Le slime, donc, c'est des cellules qui appartiennent à l'ordre des champignons, en gros. Donc, ils sont assez proches de nous, dans le sens où, contrairement aux végétaux, ils ne sont pas capables de créer de la matière organique à partir du CO2 atmosphérique. Ils sont obligés de se nourrir. Et du coup, c'est un peu compliqué la vie quand on est obligé de manger. Et parfois, donc c'est des cellules, hein, c'est unicellulaire, ça se promène comme ça. On en trouve partout, en forêt, sous les troncs d'arbres, etc., morts. Et parfois, bah, les conditions sont dures pour le slime. Et du coup, ils ont un système super qui font qu'en fait, ils vont se réunir entre eux et ils vont partager absolument toute leur nourriture. Enfin, ils ont une espèce de système communiste parfait qui aurait fait rêver Lénine, je pense, où tout se partage, etc. Et ils mettent tout en commun pour pouvoir assurer une descendance. Et puis, ils font des très jolis petits sports. Enfin, voilà, c'est sympa. Et donc, il y a des scientifiques qui ont eu l'idée un peu folle de se dire « Tiens, c'est marrant, ce truc... » On dirait que ça bouge, enfin quand c'est en forme de slime, suivant une comme si ça avait une conscience, quoi. Alors que c'est que des cellules indépendantes de ton truc de champignon là, parce qu'on en voit qui sortent des poubelles de temps en temps. Alors ça se déplace pas très vite, hein, mais voilà. Donc ils ont eu cette idée là de se dire tiens, on va regarder si ça sait sortir d'un labyrinthe. Et donc ils mettent leur truc. Et donc, vous pouvez voir des labyrinthes, en fait, où du coup, bah, en fait, l'espèce de gelée que ça fait va explorer intégralement le labyrinthe et à chaque fois trouver le chemin le plus court, toujours, entre bah, deux pôles, en fait, où on met un petit peu de sucre pour leur donner envie d'y aller. On est encore sur la récompense, la stratégie pour arriver à quelque chose qui lui fait plaisir. Donc, en l'occurrence, le sucre, ça, c'est assez, comment dire... omniprésent dans toute la biologie. Hein. Le sucre, c'est bien, ça fait vivre, c'est chouette. Et du coup, voilà, ce truc-là, unicellulaire champignon, va réussir systématiquement à trouver la solution optimale pour avoir deux points reliés dans un labyrinthe. Donc là, on est dans un jeu de résolution de problèmes. Lui, il lui trouve du plaisir parce que bah, finalement, il relie deux points. C'est pas un animal, mais il sait faire ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, là, vous avez l'air... Wow. C'est stupéfiant parce que depuis tout à l'heure en fait c'est moi je trouve ça fascinant parce qu'on parle de formes animales qui ont un cerveau décentralisé, ubérisé et on parle d'autres animaux qui n'ont pas de cerveau et on observe comme ça nous fait réfléchir finalement même sur notre condition et sur enfin, quelque part, on a tendance à sacraliser cet organe en disant que c'est le siège de la conscience, que c'est on prend des postures philosophiques qui, en fait, avec ce recul-là, paraissent peut-être intenables sur la réflexion de ce que c'est que l'intelligence quelque part. Enfin, alors, c'est peut-être une question presque rhétorique, c'est peut-être une question qui touche plus à la philosophie, je ne sais pas, mais ça me mènerait à me demander si finalement notre sujet, parce qu'on a parlé de plein de pratiques animales qui pouvaient être anthropocentrées dans leur vision. Est-ce que l'animal joue à ce moment-là ou est-ce qu'on lui prête une attention, etc. Est-ce que finalement la question est-ce que les animaux jouent a vraiment un sens dans le sens où on essaye de calquer une définition du jeu qui nous est propre. Ben oui, c'est un petit peu ce qu'on disait en début d'émission avec le fait qu'on avait du mal déjà à trouver une définition claire de ce qu'était le jeu pour l'être humain. Après, on a essayé de chercher des choses qui s'y rapprochaient hein, un petit peu partout dans le règne animal des champignons au passage. Et voilà, je pense que c'est un petit peu le propre de l'homme que de se sentir un peu seul. Et de se dire, est-ce que ailleurs dans le règne vivant, il y en a qui font comme nous ? Est-ce qu'il y en a qui jouent aussi ? Et pour plein de choses, hein, finalement, on va essayer de communiquer avec pas mal d'autres espèces. On a déjà beaucoup de mal, hein, c'est pas simple. Et puis, je pense que c'est un peu aussi ce genre de solitude qui nous fait essayer de capter des signaux extraterrestres désespérément dans l'univers. Et un jour, on se demandera peut-être, est-ce que ce truc bizarre qu'on a trouvé sur une autre planète joue parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, je répondrai par une question encore plus ouverte, tu vois, c'est beau. Eh bien, on va passer donc à la dernière question traditionnelle. Est-ce que Céline, tu veux peut-être la poser ou allez hop. Mais en fait, sur cette saison de ludologie, on conclut chaque émission en posant la même question à chacun et chacune de nos invités. Donc cette question, c'est est-ce qu'il y a. Alors tu fais un pont avec le sujet si tu veux, mais si tu veux, ça n'est pas obligé, ça peut voilà. Est-ce qu'il y a un moment de jeu? Quel que soit le jeu, hein. Est-ce qu'il y a un moment de jeu qui, au cours de ta vie, t'a particulièrement marqué ? Moi, j'ai beaucoup adoré. Ça se dit pas, mais c'est pas grave parce que c'est pour marquer que j'ai vraiment adoré ça. C'est vraiment horrible, hein. Je suis passée pour une grosse psychopathe, mais un jour en jeu de rôle, j'ai trahi absolument toute la table et c'était merveilleux ce sentiment d'hégémonie que j'avais de puissance envers les autres, de sortir mes cartes, etc. Et voilà, et j'ai pourri tous mes copains et c'était très drôle. C'est pas très gentil, hein, mais. Tu veux nous le raconter, le contexte ? Ouais. Donc c'était il y a longtemps avec des potes, on jouait à Donjons et Dragons. C'était il y a vraiment longtemps. Et en gros, mon personnage était un peu une enflure, un peu alcoolique, etc. J'aime bien jouer des personnages à problème à ce moment-là. Et en gros, ça faisait un moment qu'il récupérait pas mal de choses pour se faire mousser par rapport aux autres et a fini par récupérer absolument tout le crédit d'une longue série de quêtes à la Donjons et Dragons, comme vous pouvez les imaginer, qui nous ont pris... Des nuits et des nuits de jeu, juste pour lui finalement, et être le seul héros de ce pays au nom obscur qu'on venait de sauver, et à laisser les trois autres complètement dans l'ombre et sur le carreau, mais ce qui lui convenait très bien, puisque c'était un barde, voilà. En bref, c'était très joli, c'était très fourbe et c'était très très drôle de voir la réaction des autres derrière, quoi. J'ai l'impression d'avoir le coup de maître d'une longue stratégie qui venait enfin finir de se réussir, parce que je pense que c'était proportionnel à tout le stress qu'il y avait avant, qu'ils se rendent compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et et c'est souvent ça. Donc voilà, c'était un peu un bon moment de jeu. C'est très nihiliste comme approche pour la perte. Pour la perpétuation de l'espèce, moyen. Sur ces paroles, on te remercie, Eline, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve donc dans 15 jours pour déjà la dernière de la saison. Et oui, puisqu'on va arriver très rapidement fin juin. Et en attendant, jouez bien, jouez nombreux ou nombreuses, tant qu'on a encore le droit et tant que l'espèce survit. Voilà, à très bientôt. We'll be right back.